Deuxième partie, chapitre 11e de l'introduction à la vie des votes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie des votes par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 11e de l'exercice du soir et de l'examen de conscience. Comme vous avez nourri votre âme le matin du pain céleste de la méditation avant votre dîner, il faudra prendre encore un peu de cette nourriture spirituelle avant votre souper. Ménagez-vous donc quelque peu de temps avant le repas du soir, et alors prosternez-vous devant Dieu au pied de votre crucifix, en rappelant votre esprit de la dissipation où vous avez été. Rallumez votre cœur du feu de la méditation du matin, par de profondes humiliations, par des aspirations du divin amour, par des élancements amoureux de votre âme dans les plaies de votre aimable Sauveur. Ou bien, repassez en votre esprit et au fond de votre cœur tout ce que vous avez le plus goûté dans votre oraison. À moins que vous n'aimiez mieux vous occuper d'un nouveau sujet. Pour ce qui est de l'examen de conscience que l'on doit faire avant de se coucher, chacun en sait la pratique. Premièrement, nous devons remercier Dieu de nous avoir conservés durant le jour. Deuxièmement, on examine toute sa conduite d'action en action par rapport à leurs circonstances. Troisièmement, si l'on trouve que l'on ait fait quelque bien, on rend grâce à Dieu. Si au contraire, on l'a offensé, ou en pensée, ou en parole, ou en œuvre, on lui en demande pardon par un acte de contrition qui doit renfermer la douleur des péchés et le bon propos de s'en corriger et la volonté de s'en confesser à la première occasion. Quatrièmement, après cela, on recommande à la divine providence son corps, son âme, l'Église, ses parents, ses amis, et l'on invoque la Sainte Vierge, les saints et son ange gardien, les priant de veiller sur nous, et puis, avec la bénédiction de Dieu, l'on se met en état de prendre le repos qu'il a voulu nous rendre nécessaire. On ne doit jamais omettre cet exercice du soir, non plus que celui du matin, et il faut penser que comme par celui du matin, l'on ouvre les yeux à la lumière du ciel, ainsi par celui du soir, on les ferme aux ténèbres de l'enfer. Fin du chapitre 11e. Deuxième partie.